bonsoir. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et c'est l'émission Les Échangeurs d'air. Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Ce soir, je vous propose un choix de musique variée d'un peu partout. Il y aura des trucs de Suède, de Croatie, d'Israël, de Turquie, du Cameroun, du Nigeria, des États-Unis, d'Angleterre, d'Australie, du Japon, etc. Alors sans plus tarder, voici Hot Winds Arrive du groupe suédois Sven Wunder. sure they all forget about them from noon to dawn. I don't even rest, cause I'm just to guess. There's something special I won't forget. It's about the girls, I'm just impressed. Ooh. The separate girl I met at noon, we dance, dance, we dance the bar. She's got some friends, the best and breast, the girl in between. Very cool and can't see me getting closer. A little push over and I got a better hook on the bar. À l'antenne de CKRL le 89.1 à Québec et c'est l'émission Les Échangeurs d'air. Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Vous avez entendu dans ce premier bloc Saturday Night Raps du musicien nigérian Dizike Falola. C'est extrait d'une compilation de cet artiste intitulée Sweet Music Volume 1, paru en 2018. Ça a été précédé de Arabica du Camerounais Tala AM. C'est extrait de la compilation de l'artiste African Funk Experimental 1975-1978, une compilation parue en 2015. Juste avant, vous avez entendu Lambaya Povde du groupe turc Arsif Plak. C'est extrait de Turkish Disco Folk Mirror, un disque paru en 2020. Juste avant, c'était Tokyo Midnight des Israéliens Sababa 5. C'est extrait du EP Tokyo Midnight paru en 2020. Ça a été précédé de The Wheel of Fortune du groupe de Croatie Nemanja. C'est extrait de Taro Funk, un album paru en 2019. Et on a débuté ce bloc avec Hot Winds Arrive du groupe suédois Sven Wunder, extrait de l'album Wabi Sabi paru en 2020. You know I'd be a lover for a long time. I can't remember when I could find it for myself. And I'd be in such a lover for a long time. I get to worrying if there's gonna be somebody gonna take care of me. But I've been a lover, yes, such a long time. I've forgotten how to look after myself. Such a long time. Times I don't know how long it's been since I've been cheating. Life is Till you count.

Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Vous avez entendu dans le deuxième bloc She's a Diamond du groupe américain Opal. C'est extrait de leur unique album Happy Nightmare Baby, paru en 1987. Ça a été précédé de Izglubjena, si je prononce bien le croate, du groupe de Croatie Daliborovo Grange. C'est extrait de l'album Hainin, paru en 2020. Ça a été précédé de Are You Ready? De l'anglais Graham Coxon, c'était le guitariste du groupe Blur. C'est extrait de son album Happiness in Magazines, un album paru en 2004. Juste avant, vous avez entendu Been a Lover, des Américains Cheval Sombre, avec Sonic Boom. C'est extrait du nouvel album Time Waits for No One, qui est paru récemment. Juste avant, vous avez entendu Easy Touch, du groupe australien Bonfire Night. C'est extrait de Antopica Phenomica, un album paru en 2016. Et on a débuté le bloc avec It's Not Over Yet, de l'anglaise Jane Weaver. C'est extrait de son album Cherlocalate, paru en 2007. Thank you.

Déjà tout pour l'émission Les Échangeurs d'air de ce soir. Ici Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Vous avez entendu dans le dernier bloc All Who Wander Are Not Lost, des Anglais Dynalogue et Alabaster de Plume, extrait de l'album I Was Not Sleeping, paru en 2020. Ça a été précédé de Arctic Death de l'Anglaise Virginia Ashley, c'est extrait de son album Promise Nothing, paru en 1983. Juste avant, vous avez entendu Waterfalls in Ocho-Rios du collectif jamaïcain Equinox Music. C'est extrait de Colon Man, un album paru en 2017. Ça a été précédé de Eating to Glory du groupe anglais African Head Charge, extrait de l'album In Pursuit of Sashaman Land, paru en 1993. Juste avant, vous avez entendu Saonian du groupe japonais Maria, extrait de l'album Utakata no Ibi, paru en 1983, et on a débuté le bloc avec Ichigo, du groupe japonais World Standard, un groupe japonais qui a débuté dans les années 80. C'est extrait de leur plus récent album Asagao, paru en 2020. Alors c'est tout pour nous ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée à notre antenne.